Isanganiro. Évariste, Ndikomanyanga. Audrey Ndaikeza sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal édition de la mi-journée de ce 15 octobre 2018 dont voici d'abord les principales articulations. Renforcer la sécurité routière, surtout dans ces mois de fêtes de fin d'année pour limiter les accidents routiers. Annonce faite ce lundi par le ministre de la Sécurité publique, c'était lors de la présentation des réalisations trimestrielles. L'exploitation des minerais dans les marais désormais interdite selon le ministre de l'Énergie et des Mines qui précise que ces marais sont réservés uniquement à l'agriculture, comme Manuel Akiza l'a dit vendredi dernier lorsqu'il rencontrait les représentants des coopératives opérant dans le secteur minier au sud du pays. Et au sport, la formation de Message Ngozi est classée 15e lors de la 11e journée du championnat national de football. S'est incliné samedi 3-0 face à la formation policière de Loukindre. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Le ministère de la Sécurité publique et de gestion des catastrophes compte renforcer la sécurité routière, surtout dans ces mois de fêtes de fin d'année pour limiter les accidents qui sont devenus monnaie courante ces derniers jours. C'est l'annonce du ministre de la Sécurité publique et de gestion des catastrophes lors de la présentation des réalisations du troisième trimestre de l'année 2018 ce lundi. Commissaire de police chef Alain-Guillaume Wignoni ajoute qu'un projet de réduction des risques de catastrophe dans les communes pilotes sensibles que les autres a été lancé. Suivez le ministre de la Sécurité publique. Dans le domaine de la protection civile, la Direction générale de la protection civile a aussi organisé des activités de lancement officiel du projet de réduction de risques de catastrophe au niveau des communes les plus sensibles qui ont été choisies comme pilotes. Ce sont les communes de Kayogoro, de Nyanzarak, de Manda et de Gihanga, où un petit changement climatique occasionne beaucoup de dégâts, que ce soit des pluies intenses ou un ensoleillement intense, et cela produit beaucoup de dommages dans un peu de temps par rapport aux autres communes situées ailleurs. Un plan de contingence provinciale a aussi été initié au niveau de la province de Bubanza. Alors, pendant qu'une plateforme communale de la province de Mugongo-Manga a été mise en place, ceci est de répondre aux soucis de l'installation des plateformes au niveau provincial qui rassemblent tous les partenaires en la matière pour faire la prévention ensemble et la gestion des catastrophes en cas de survenance d'une catastrophe dans les provinces. En ce qui concerne les outils qu'il faut pour effectivement prévenir et sanctionner ceux qui se rendent coupables d'excès de vitesse, effectivement, il y a des équipements qui sont en commande, qui seront dotés à la police nationale, que ce soit des radars pour effectivement jauger la vitesse de chaque usager de la route. Il y a des alcotests pour mesurer le niveau d'alcool de chaque conducteur. Il y a d'autres outils qui aussi accompagnent la mise en place de l'infrastructure routière. Donc, tout cela étant, il y a une chose très importante, c'est le changement des mentalités des usagers de la route. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas conscients qu'il faut vraiment respecter d'abord les lois et règlements en la matière, qu'ils doivent aussi se préoccuper de leur propre vie, de la vie des citoyens, des populations qu'ils transportent et de la vie des piétons, mais aussi de la valeur du véhicule qu'il conduit, ça sera toujours un problème. Nous l'avons vu dans plusieurs pays où le système de protection routière est bien développé. Et bien, les chauffeurs, ils viennent, lorsqu'ils voient qu'ils savent là où il y a un radar, ils vont diminuer effectivement. Mais après le radar, ils vont décoller. Et quelques mètres, quelques kilomètres après, ils vont connaître un accident, malgré les dispositions qui ont été prises. C'était le ministre de la Sécurité publique, propos recueillis par Gertrude Maunayo. Parlons mine à présent. Le député Pamphile Malayika, élu dans la circonscription de Muyinga, salue les initiatives du gouvernement Bondé dans le but de redresser le secteur minier. Toutefois, cet élu du peuple regrette que l'Office burundais des minerais n'ait pas fait son travail convenablement. Il demande que la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption soit mise en œuvre afin que toutes les recettes minières soient perçues par le trésor public. Suivez-le, il est au micro de l'Inibel Nivikir. Nous saluons d'abord l'alarme qu'a lancé le Conseil national de sécurité. Normalement, l'alarme ne devrait pas provenir de l'AMO, mais ça devrait provenir de l'Aval. Quand je parle de l'Aval, c'est-à-dire ça devrait provenir du ministère de l'Énergie et des Mines et aussi de la deuxième vice-présidence de la République. Comment est-ce que ça s'est passé depuis 2015? Vous êtes député alors que vous n'avez jamais réagi. Nous, en tant que parlementaires, nous n'avons cessé de plaider. Je vous dirais qu'en 2016, lors de la présentation du rapport semestriel par le deuxième vice-président de la République, nous avons constaté une production de minerais. En 2016, c'était prévu la production de 50 tonnes de minerais étiquetés. Alors, on a eu une production presque double de ce qui était attendu, parce qu'on a eu 90,4 tonnes. Et nous avons profité pour poser la question, nous voudrions savoir l'impact financier qui était lié à cette production. Et nous avons suggéré que dans les rapports des ultérieurs, qu'on mette d'un côté la production et de l'autre côté l'impact financier. Mais en 2017, le constat était qu'on n'a même pas mentionné l'impact financier, mais aussi on n'a même pas mentionné la production. C'est déjà AIC. C'est l'OBM dans ses attributions qui devrait juguler le désordre, la fraude et l'exploitation illégale qui se trouve dans le secteur minier. C'est l'OBM qui devrait juguler l'exploitation artisanale. C'est l'OBM qui devrait juguler les explosions, les explosifs nuisibles à la santé humaine qu'on utilisait souvent. Et c'était l'OBM qui devrait attirer les investisseurs étrangers, qui devrait appuyer la collecte et le recouvrement des recettes issues des secteurs miniers, carrés et pétroliers. Mais honorable, lorsque vous voyez le gouvernement, le deuxième vice-président qui rencontre les sociétés minières et le ministre de l'énergie qui se rend sur terrain, est-ce que vous n'avez pas l'espoir que c'est la voie de résoudre cette question? Effectivement, c'est la vraie voie. C'est la vraie voie parce que avec ces descentes, on pourra avoir une certaine transparence dans la gestion de ce secteur. Et nous saluons le gouvernement d'avoir adhéré aux standards de l'ITIE. C'est l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. Le fait d'avoir adhéré à ce standard, ça suppose que la gestion devrait être transparente et on devrait avoir une bonne gouvernance dans ce secteur de voie de sortie. La première chose, c'est que l'OBM puisse exécuter le cahier des charges tel qu'il est conçu. La loi portant mesures de prévention et répression de la corruption et autres infractions connexes, cette loi est en train d'être révisée. Il faut qu'on le fasse rapidement. L'on n'a pas encore eu la réaction du responsable de l'Office burundais des minerais, OBM en sigle. Des sacs de déchets sont entassés sur la route goudronnée tout près du lycée municipal de la zone Kinama dans la mairie de Bujumbura. Les habitants œuvrant dans cette localité demandent aux sociétés chargées d'évacuer ces déchets la disponibilité des poubelles dans lesquelles ils pourront les déposer afin qu'ils ne soient pas éparpillés. Le point avec Roselyne Akindavi qui s'est rendue sur les lieux. Sur la route goudronnée passant au marché de la zone Kinama, tout près du lycée municipal de Kinama, on y trouve des sacs de différents déchets. À côté de ces déchets, il y a des commerçants qui vendent des différents denrées comme les tomates, les oignons et autres. On y trouve également des cordonniers ainsi que les restaurants. Certains commerçants trouvés sur place disent qu'ils déposent ces déchets au bord de la route pour faciliter la tâche aux véhicules chargés de transporter ces déchets. Ces commerçants demandent aux sociétés chargées d'évacuer ces ordures, de les rechercher des poubelles publiques. Merci à Roseline Akindavi. Revenons sur les mines. L'exploitation des minerais dans les marais est interdite. Ceci est dit par le ministre burundais de l'énergie et des mines qui précise que les marais sont destinés à l'agriculture. C'était vendredi passé lors d'une rencontre avec les représentants des coopératives opérant dans le secteur minier de la région sud du pays ainsi que les autorités provinciales, judiciaires et policières. Et à la question des appels une fois que des exploitants illégaux sont attrapés. Le ministre Koeman Rakiza appelle ses autorités à agir au nom de la loi. Les détails avec Emery Kanyang. Certains des exploitants des mines et carrières travaillent sans documents valables. Une fois arrêtés, des appels ne cessent de tomber, selon Juvenal Bigirimana, gouverneur de la province Lumonge. Ces gens qui exploitent les minerais ont des soutiens. Lorsqu'on empêche à l'un d'eux qui n'a pas de documents, c'est là où on se demande d'où proviennent leurs soutiens. De là, on commence à recevoir des appels téléphoniques des hauts dignitaires. Permettez alors que nous puissions établir une liste des gens qui nous appellent en nous menaçant. Ici, le ministre de l'Énergie et Mines appelle les gouverneurs et administrateurs à prendre des mesures qui s'imposent vis-à-vis de la loi régissant le secteur minier. Vous le savez même, quelquefois, il y a des prisonniers qui téléphonent et qui vous disent qu'ils sont, je ne sais pas, qu'ils sont substituts de telle ou telle autre autorité pour pouvoir tout simplement vous faire peur et vous intimer l'ordre de ne pas peut-être agir là où vous devriez normalement agir. Alors, nous leur avons dit de pouvoir tenir bon et de pouvoir prendre les responsabilités au niveau de la prise des mesures qui s'imposent vis-à-vis de la mauvaise application de la loi et du décret qui découle de cette loi dans le cadre de pouvoir ramener l'ordre dans ce secteur. Entre autres inquiétudes également soulevées ce vendredi, c'est l'exploitation des mines et carrières dans les marais. Une inquiétude de Gad Niukuri, gouverneur de la province Makamba. Il se demande où seront cultivés riz et haricots ainsi que d'autres cultures. À cette crainte, le ministre burundais de l'énergie et mines, comme Manila Kiza, fait savoir que les marais sont exclusivement réservés aux cultures. Nous privilégions d'abord l'agriculture avant l'exploitation minière, où nous avons demandé à l'administration locale si une fois on parvient à remarquer qu'il y a une autorisation qui a été donnée à une coopérative qui exploite les marais, alors que c'est dans un espace d'agriculture, que n'hésitez pas à pouvoir nous approcher, faire la communication pour arrêter ce type d'activité. Cette réunion tenue dans la région sud du Burundi sur la loi minière a également été tenue dans les régions nord, centre et sud du Burundi. Une sensibilisation en cours dans la région ouest du pays. Et c'est après la déclaration du Conseil national de sécurité suspendant pendant une période d'un mois les activités de toutes les coopératives, les accusant de fraude et d'exploitation illégale. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons santé animale à présent. Une maladie jusqu'à présent non encore identifiée a déjà emporté une quinzaine de vaches sur deux collines de la commune Rutovu en province Bururi dans une période de 2 semaines. Les éleveurs concernés demandent une intervention rapide. C'est au moment où la DPAE de Bururi dit avoir déjà alerté la direction générale de l'élevage. Les détails avec Jean-Pierre Messaco. Les informations obtenues de certains habitants des collines Mutangaro et Sanzu en commune Rutovu de la province Bururi indiquent que 15 vaches sont déjà mortes en 2 semaines suite à une maladie jusqu'à présent inconnue. Et cela inquiète les éleveurs, surtout de vaches. Boniface Nyongabo, vétérinaire en zone Chondi, confirme ces informations rapportées sur les sous-collines Gishigwe et Gwesero. Deux entités administratives dont les vaches s'abreuvent au même cours d'eau, Gisasa. Il dit avoir informé à son tour le vétérinaire communal qui lui a relayé le message au directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage de Bururi. Bernard Habonimana, directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage de Bururi, dit qu'il a été informé de cette maladie dont les symptômes sont entre autres l'hypothermie, l'inappétence, jetage nasal et une mort en déant 3 jours avec une autopsie qui ne révèle rien. J'indique avoir déjà saisi la direction générale de l'élevage pour dépêcher sur le terrain des médecins vétérinaires afin de clarifier de quoi il s'agit. Entre-temps, Bernard Habonimana interdit la consommation de la viande de ces vaches dont la cause de leur mort reste à déterminer. Jean-Pierre Misago de Fururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Parlons sport avant de boucler la boucle de ce journal. À la 11e journée du championnat national de football en première division, la formation Aigle Noir de Makamba vient toujours en tête du classement provisoire avec 31 points. L'équipe de Messager Ngozi, qui représentera le Burundi dans la Ligue des clubs champions africains édition 2018, est en 15e position avec 9 points. Et au basketball, les matchs de la première journée du championnat des héros du Burundi ont été joués au centre du pays, à Gitega précisément, où les équipes de Dynamo et Urunani ont marqué beaucoup de points. Les détails avec Namia Ndaikej. À la 11e journée du championnat national de football au stade Prince-Louis Rouagasselet ce vendredi à 14h, Atlético Olympique a été battu par Flambeau de l'Est 1-0. Sur ce stade même à 16h, Bujumbura City a été battu par Flambeau du Centre 3-0. Le lendemain à 14h, sur cette pelouse du stade Prince-Louis Rouagasselet, Lukinzo a battu 3-0 la formation Messager Ngozi qui représentera le Burundi au championnat africain des clubs champion. A noter que Messager est provisoirement classé 15e. À 16h, Musongati est venu battre l'Idialidique à domicile sur le score de 3-0. À Moyinga, Olympique Star a égalisé avec les Lierres 1-partout. Ngozi City a été battu à domicile par Aigle Noir sur le score de 2-1. Aigle Noir est provisoirement classé en première position. Au stade Vidigiro de Rumonge, Vitalo a battu Bumamuru 1-0. Et au tournoi de basketball dédié aux zéros qui s'est déroulé au centre du pays à Gitega précisément, côté filles, Urunani a été battu par Young Sisters de Ngozi 60-40. Le club de Gitega a été battu par Aigle Noir sur le score de 51-31. Côté garçon, Dynamo a battu Imbeya 86-35. Urunani a battu Target sur le score de 78-52. New Star a battu les Hippos sur le score de 79-52. Merci Anna Miandaï Kenge. Ainsi se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. La police compte renforcer la sécurité routière, surtout dans ces mois de fêtes de fin d'année pour limiter les accidents routiers, annoncé fête ce lundi par le ministre de la Sécurité publique lors de la présentation des réalisations trimestrielles. L'exploitation des minerais dans les marais est désormais interdite, selon le ministre de l'Énergie et des Mines, qui précise que ces marais sont réservés uniquement à l'agriculture, comme Manela Kizala a dit vendredi dernier lorsqu'il rencontrait les représentants des coopératives opérant dans le secteur minier au sud du pays. Et au sport, la formation de Messager Ngozi est classée 15e lors de la 11e journée du championnat national de football et s'est inclinée samedi 3-0 face à la formation policière de Lukinzo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Namia Audrine Daikeza plutôt pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Nzikubanyanga. Bon après-midi à toutes et à tous.